بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ في هذه الليلة هذه السلسلة في ذكر ما تيسر من تفسير كتاب الله تعالى. Nous commençons en cette nuit cette série dans la citation de ce que nous pouvons aborder dans l'exégèse, le tafsir du livre d'Allah Ta'ala, le Très-Haut. Wa innaha la fursatun tayyiba linata'ammala fi kitabillah hadha al-kitab alladhi arsalahu Allah linata'ammala wa nahdiya bi wa nahtadiya bi. Et certes, c'est une très bonne occasion pour méditer sur le livre d'Allah, ce livre que Allah a fait descendre afin que nous puissions y méditer et afin que nous puissions suivre la guidée par celui-ci. Allah le Très-Haut qui dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » ne médite-t-il pas sur le Coran? Et Allah le Très-Haut qui décrit son livre en disant « Hudan lil muttaqin » une guidée pour les muttaqin, ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. « Ya ikhwa wa akhawat, la budda an na'tarif bi taqsirina fima yata'allaq bi hadha al-kitab. » Oh mes frères et sœurs, il est impératif que l'on admette notre négligence concernant ce livre. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Car certes Allah, le Très-Haut, est l'allié de ceux qui ont cru, il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي هُوَ نُورٌ مُبِينٌ. Et il a envoyé vers nous, il a fait descendre sur nous ce livre qui est une lumière éclatante. فَلِمَاذَا نَهْجُرُهُ وَلَا نَكْرَأُهُ إِلَّا قَلِيلًا. Alors pourquoi est-ce que nous délaissons ce livre et que nous ne le lisons que très peu? هَلْ نُفَضِّلُ الظُّلُمَاتِ عَلَى النُّورِ. Est-ce que nous favorisons l'obscurité à la lumière? La budda min mu'alajati hadha al-khalal. Il est impératif que l'on soigne ce défaut, ce manquement qu'il y a en nous. Allah le Très-Haut qui dit « Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum, wa anzalna ilaykum nuran mubina, fa amma alladhina amanu billahi wa a'tasamu bih, fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. » وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ô gens, certes vous est venue une preuve évidente venant de votre Seigneur. Et il a fait descendre sur vous une lumière éclatante. Alors ceux qui ont cru à Allah et qui se seront accrochés à celui-ci, qui se seront accrochés à Allah et à son livre, alors il les fera rentrer dans sa miséricorde et leur accordera de ses bienfaits et il les guidera vers une voie de rectitude. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من الذين يتلون كتابه حق تلاوته فلا يحجرونه بل يقرؤونه ويتأملون فيه. Et donc nous demandons à Allah le Très-Haut de nous permettre de lui accorder un culte exclusif. Nous lui demandons de nous permettre de lui accorder un culte exclusif et de nous placer parmi ceux qui récitent son livre comme il se doit. Ceux qui ne vont pas le délaisser, mais au contraire, ceux qui vont le lire, y méditer et œuvrer avec ce qu'il contient. والأمر الثاني الذي أريد ذكره قبل البدء في صميم الموضوع هو أننا نبدأ اليوم بسورة النبأ ونرجو الاستمرار في ذلك حتى نكمل هذا الجزء إن شاء الله تعالى. Et donc le deuxième point que je voulais citer avant de commencer dans le vif, avant de rentrer dans le vif du sujet, est que nous allons commencer aujourd'hui la sourate An-Naba. La sourate An-Naba, sourate numéro 78. La nouvelle. An-Naba, donc la nouvelle ou l'information. Et on espère donc continuer cela jusqu'à finir ce juz, cette partie du Coran, la dernière partie du Coran, Inch'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, je vous informe dès maintenant que durant le mois de Ramadan, Inch'Allah, si Allah il nous permet de vivre jusqu'à là, bi'idhnillah, pendant le mois de Ramadan, je vais arrêter tous les cours sauf le cours de tafsir. Sauf le cours de tafsir que je vais continuer aussi, donc pendant le mois de Ramadan, bi'idhnillah Ta'ala. Wa la'alla al-ba'd yatasa'alun. لماذا لا نبدأ بسورة الفاتحة؟ Il se peut que certaines personnes s'interrogent pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par سورة الفاتحة؟ والجواب أننا قد رأينا الفاتحة سابقا في مسجد الهدى بفيلغو وغيرها من السور. Et la réponse est que nous avons déjà vu précédemment سورة الفاتحة et autres que celle-ci dans la mosquée الهدى à Villeroy. وَلَعَلَّنَا نُعِيدُ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ السُّوَرِ الَّتِي دَرَسْنَاهَا سَابِقًا الَّتِي دَرَسْنَاهَا مَعًا فِي مَا بَعْدْ إِنْشَاءَ تَعَالَى. Et il se peut donc que par la suite, Inch'Allah Ta'ala, on répète, on revienne donc sur le sujet concernant ces différentes sourates qu'on a déjà abordées ici dans la mosquée de Villeroy, Inch'Allah Ta'ala. أَمَّا السُّورَةِ التي ندرسها اليوم فهي سورة النبأ كما ذكرته لكم. Et donc en ce qui concerne la sourate que on étudie aujourd'hui, c'est sourate An-Naba', comme je vous l'ai cité. وهي سورة مكية أي أنها نزلت قبل الهجرة إلى المدينة. Et cette sourate An-Naba', la nouvelle, c'est une sourate qui est Mekkiya de la Mecque. Et donc, ce qui est voulu par là, c'est que c'est une sourate qui a été révélée avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est-à-dire que cette sourate fut révélée durant la période pendant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait à la Mecque. Et donc, on dit suratun Mekkiya. فهذه السورة مكية وأكثر السور في هذا الجزء من القرآن مكية. Et donc cette sourate, comme je l'ai dit, elle est Mekkiya. Et la majorité des sourates qui sont dans cette partie du Coran, le dernier juz, la majorité de ces sourates, elles sont Mekkiya. مما يشعرنا بأن هذا الجزء من القرآن أكثر آياته في أصول الدين لأن السور التي نزلت قبل الهجرة أكثرها في أصول الدين والإيمان والتوحيد مما يدلنا على أهمية دراسة هذه السور مع أنها تقرأ كثيرا في المساجد والبيوت في الصلوات وغيرها. Et donc le fait que ces sourates, que cette sourate soit Mekkiya et que la majorité des sourates de cette partie du Coran soit Mekkiya, cela nous fait ressentir, cela nous montre que cette partie du Coran, la majorité de ces versets concernent les fondements de la religion. Car certes, les versets qui ont été révélés avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, la majorité de ces versets concernent les fondements de la religion, de la foi, du tawhid, de l'unicité. Et cela nous montre l'importance d'étudier ces sourates, alors que celles-ci sont très souvent récitées dans les mosquées et dans les maisons, durant les prières et autres. Faqala Allahu Ta'ala. Et donc Allah, le Très-Haut, il dit « Bismillahir Rahmanir Rahim ». Au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, ismun min asma'illah, khassun billah, la yajuzu li ahadin min khalqihi an yatasamma bihada al-ism. Et donc le nom Allah est un nom parmi les noms d'Allah. Il est spécifique et propre à Allah. Il n'est permis à aucune des créatures d'Allah de s'appeler par ce nom-là. Wa ma'nahu al-ma'boud. Et sa signification c'est al-ma'boud, celui qui est adoré. Qala ahlul ilm huwa mushtaqqun min alaha ya'lahu ay 'abada ya'budu fa Allah huwa al-ma'boud. Les gens de science, ils ont dit que le nom Allah, il est tiré du verbe alaha ya'lahu qui signifie 'abada ya'budu, c'est-à-dire adorer. Et donc Allah, il est Al-Ilah. Allah huwa al-ma'boud. Et donc Allah est celui qui est adoré. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et d'ailleurs, excusez-moi, j'attire votre attention sur cela, car beaucoup de personnes négligent l'importance de connaître la signification des noms d'Allah. Combien sont ceux qui ne savent pas ce que veut dire le nom Allah? Tu leur demandes, ça veut dire quoi Allah? Ils te disent Dieu. Dieu, celui qui a créé, ou ils vont te sortir tout ce qu'ils peuvent imaginer, sauf la réalité. Allah, cela signifie Al-Ma'boud, celui qui est adoré. Ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahman ar-Rahim. Isman min ismin asma'illah, dallani ala sifati ar-Rahman lillahi ta'ala. Et donc, Ar-Rahman ar-Rahim, ce sont deux noms qui font partie des noms d'Allah, qui indiquent l'attribut de miséricorde d'Allah le Très-Haut. Far-Rahman, Dhur-Rahmati, El-Wasi'a. Et donc, Ar-Rahman, le nom Ar-Rahman, signifie le possesseur de la miséricorde vaste. War-Rahim, Dhur-Rahmati, El-Wasi'a. Tandis que Ar-Rahim, cela signifie le possesseur de la miséricorde qui parvient. C'est-à-dire, Al-Musilu Rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi. C'est-à-dire, celui qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi ses créatures. À qui il veut parmi ses créatures. Wal-Basmalah laysat min as-surah. Wa innama hiya ja'at lil-fasli bayna suwaril Qur'an. Et la Basmalah, donc le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, cela ne fait pas partie de la sourate. Mais certes, la Besmela a été citée, a été placée donc pour la séparation entre les différentes sourates du Coran. Akhraj Abu Daoud fi Sunani, an Ibn Abbas radiallahu anhuma, annahu qal, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, la ya'rifu fasl as-sura hatta nazala alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Daoud a recueilli dans son livre As-Sunan, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit: le messager sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la séparation de la sourate jusqu'à ce que descende sur lui Bismillahirrahmanirrahim. Et donc la basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, cela donc ne fait pas partie de la sourate, mais c'est donc une séparation entre les deux sourates. Thumma qala Allah ta'ala. Et ensuite Allah le Très-Haut, il dit: amma yatasaelun. Sur quoi s'interroge-t-il? Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Concernant la nouvelle grandiose, sur la nouvelle grandiose, celle sur laquelle ils divergent. Ankara Allah ta'ala ala al-mushrikin tasa'ulahum an yawm al-qiyamah inkaran li wuku'ihi. Allah tabaraka wa ta'ala, il a reproché et blâmé ce que faisaient les polythéistes lorsqu'ils donc s'interrogeaient concernant El Qiyamah, la résurrection. Mais ces interrogations n'étaient pas pour poser des questions, chercher à savoir, non. Ils s'interrogeaient mutuellement afin de rejeter, de mécroire en la résurrection. Et donc, ce n'étaient pas des questions interrogatives, mais c'était des questions pour rejeter quelque chose, pour rejeter donc la croyance à la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Amma yatasa'aloun » Sur quoi s'interroge-t-il ? « Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala ma huwa alladhi yatasa'aloun anhu » Et ensuite, Allah, le Très-Haut, il a montré ce sur quoi ils s'interrogeaient. Ce sur quoi ces gens s'interrogeaient. « Wa huwa al-naba'u al-azim » Hada al-naba' الذي لا يقبل أي شك. Et ça sur quoi elle s'interrogeait, c'est cette nouvelle grandiose, cette nouvelle qui n'accepte nul doute. ومما يدل على أن البعث لا ريب فيه قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا Et parmi les éléments qui montrent que la résurrection, qu'il n'y a aucun doute concernant la résurrection, il y a la parole d'Allah le Très-Haut lorsqu'il dit اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ Allah, il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors de lui. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ Certes, il vous rassemblera. Au jour de la résurrection, il n'y a nul doute en cela. Il n'y a nul doute en cela. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا Et qui est plus véridique qu'Allah dans ce qu'il informe? وَقَالَ أَيْضًا قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Et donc Allah le Très-Haut, il dit aussi, dans une autre sourate, il dit قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ Dit, à qui appartient ce qui a dans les cieux et sur la terre? Dit, cela appartient à Allah. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ Certes, il vous rassemblera tous au jour de la résurrection. Il n'y a nul doute sur cela. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ceux qui ont perdu leur propre personne, ceux qui ont mené leur propre personne à la perdition, ce sont ceux qui ne croient pas. فَهَذَا هُوَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَتَسَأَلُونَ عَنْهُ Et donc voilà la nouvelle grandiose sur laquelle ils s'interrogent mutuellement. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala il dit, après cela il dit الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ Celle sur laquelle il s'interroge. Et donc cette nouvelle sur laquelle il diverge, excusez-moi. Cette nouvelle sur laquelle il diverge. فَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي هَذَا النَّبَأِ مُخْتَلِفُونَ فِي الْبَعْثِ بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ Et donc les gens divergent concernant cette nouvelle. Ils divergent concernant la résurrection. Entre croyants et incroyants. Certains vont y croire et certains vont mécroire en la résurrection. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُتَوَاعِدًا لِهَؤُلَاء الَّذِينَ أَنْكَرُوا الْقِيَامَةِ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Et ensuite, Allah le Très-Haut, il dit à ceux qui ont rejeté et nié la résurrection, en les blâmant et en les menaçant, كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Eh bien non. Ils sauront bientôt. Encore une fois, non. Ils sauront bientôt. Allahu Akbar. وَهَذَا تَحْدِيدٌ شَدِيدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمُنْكِرِ الْبَعْثِ. Et ceci est une lourde menace venant d'Allah le Très-Haut envers ceux qui nient et qui traitent la résurrection de mensonge. فَإِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ هَذَا الَّذِي كَانُوا بِهِ يُكَذِّبُونَ. Car en ce jour-là, ils connaîtront ce qu'ils traitaient de mensonge. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Et donc cette menace venant d'Allah tabaraka wa ta'ala est comme la parole d'Allah dans une autre sourate lorsqu'il dit فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Alors malheur ce jour-là à ceux qui ont mécru. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. Ceux qui s'ébattent dans des discours futiles et frivoles, ils prennent leur religion pour un jeu. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Le jour où ils seront sauvés, où ils seront brutalement jetés dans le feu. Ce feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce que ceci est de la magie? Ou alors vous ne voyez pas? Alors brûlez-y. Brûlez dans ce feu. Endurez ou n'endurez pas. Que vous ayez la capacité d'endurer ou pas, c'est la même pour vous. C'est la même chose pour vous. Certes, vous êtes rétribué en fonction de ce que vous faisiez. Allah tabaraka wa ta'ala qui menace ceux qui ont mécru en la résurrection, qui ont mécru au jugement, qui ont mécru à l'enfer. Ce jour-là, ils goûteront au feu de l'enfer. Et ils connaîtront, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. وَكَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى. Et aussi, la parole d'Allah, le Très-Haut, lorsqu'il dit dans une autre sourate, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَا يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ceux qui ont mécru ont prétendu ne pas être ressuscités. Qul bala wa rabbi, dit, oh que non, par mon Seigneur, vous serez ressuscités. Letubathun, thumma letunabba'unna bima amiltum, vous serez ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous avez œuvré. Wa dhalika 'ala Allahi yasir. Et cela est facile à Allah. Vous serez informés de ce que vous avez œuvré. Pourquoi? Afin d'être rétribués en fonction de vos actions. فَالْكَافِرُونَ إِسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْعُقُوبَةِ فَإِنَّهُمْ أَنْكَرُوا مَا لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ فِيهِ يُشَهِدُونَ كُلَّ يَوْمِ الْآيَاتِ وَالدَّلَائِلِ عَلَى صِدْقِ الْبَعْثِ حَتَّى فِي أَنفُسِهِمْ. Et donc les incroyants, ils méritent ce lourd châtiment, car certes ils ont mécru et ont rejeté ce sur lequel il n'y a nul doute. Ce qui est indéniable Ils assistent et voient tous les jours les signes et les preuves montrant la véracité de la résurrection. Tous les jours, ils voient les preuves et les signes, même dans leur propre personne. Même dans leur propre personne. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun » Et il y a sur la terre des signes pour ceux qui ont la certitude. Et dans vos propres personnes et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Ne voyez-vous donc pas? كيف ينكرون بالقيامة؟ كيف ينكرون القيامة؟ مع أن الله تبارك وتعالى خلقهم أول مرة. Comment peuvent-ils rejeter et nier la résurrection alors que Allah le Très-Haut est celui qui les a créés la première fois? أليس هذا الذي خلقهم أول مرة بقادر على أن يعيد خلقه؟ Celui qui les a créés la première fois n'est-il pas capable de refaire sa création? Il les a créés de rien. N'est-il pas capable de refaire sa création? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. Est-ce que l'être humain espère être laissé en vain, sans ordre ni interdit? Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas d'ordre venant de ton créateur, pas d'interdit. La liberté, comme ils disent. Est-ce que l'être humain espère être laissé en vain? Elam yakun utfatan min maniyyin yumna. N'a-t-il pas été une goutte de sperme éjaculé? Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Puis, il fut une adhérence. Alors, il l'a créé, il l'a façonné. Il l'a façonné, lui a accordé la forme qu'il a. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Alors, il en a fait deux éléments de couple, l'homme et la femme. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى. Celui-ci n'est-il pas capable de redonner la vie aux morts? Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle ici à méditer sur cela, le fait qu'il nous a donné la vie la première fois. Méditons donc sur cet enfant qui naît, qui vient du ventre de sa mère. Est-ce que c'est nous qui l'avons créé ou c'est Allah tabaraka wa ta'ala? Cette goutte de sperme qui vient de l'homme, est-ce que c'est nous qui l'avons créé ou est-ce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé? Méditons. Méditons sur cela. Puis, nous devons comprendre que celui qui a créé cet être humain la première fois est capable de le faire revenir. Et voilà ce que rejette cette évidence que rejettent les incroyants. Voilà pourquoi il mérite ce châtiment. L'enfer. Et certes, les signes sont nombreux. Il y a énormément de signes qui montrent la véracité de la résurrection. Dans les paroles d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi tout ce que nous voyons tous les jours. Et nous devons y méditer, tous, et appeler ceux qui n'ont pas que compris cela. Nous devons les appeler à la vérité, leur montrer cette vérité qui est indéniable. فَإِنْتَهِنَا أَيُّهَا الْإِخْوَ لَنْ أُتِيلَ بِكُمْ. Et donc, je ne vais pas faire long avec vous, inshallah ta'ala. On va rester sur des cours de une demi-heure, bi'idnillah. فَانْتَهِنَا مِنْ الْآيَاتِ الْخَمْسَةِ الْأُولَى وَسِنَارَ فِي الدَّرْسِ الْقَادِمِ inshallah ta'ala مَا ذَكَرَهُ اللَّهِ فِي بَيَانِ قُدْرَتِهِ. Et donc, nous avons fini aujourd'hui les cinq premiers versets de cette sourate, sourate An-Naba, la nouvelle. Et nous verrons donc dans le prochain cours, demain, inshallah ta'ala, ce que Allah tabaraka wa ta'ala a cité pour montrer sa puissance. Ce que Allah a cité dans cette même sourate pour montrer sa puissance. Certes, Allah